Chapitre 3e. Le premier regard que Magdalène jeta autour de la chambre vide lui fit apercevoir la lettre posée sur la table. Ainsi que le docteur l'avait prédit, la simple lecture de l'adresse fut pour elle toute une révélation. Pas un mot ne sortit de ses lèvres. Elle demeurait assise à côté de la table, pâle et silencieuse, la lettre sur ses genoux. Par deux fois, elle essaya de l'ouvrir. Par deux fois, elle la laissa retomber. Ce n'étaient pas seulement les souvenirs du passé qui la préoccupaient à la vue de ces caractères tracés par sa sœur. Il s'y joignait maintenant une crainte qu'avait Kirk pour objet. « Ma vie passée, » se disait-elle, « que va-t-il penser de moi quand il connaîtra ma vie passée ?» Un nouvel effort lui permit enfin de décacheter l'épaisse missive. De l'enveloppe tomba une seconde lettre à elle adressée et dont la suscription était d'une main qu'elle ne sut pas reconnaître. Elle mit à part cette seconde lettre et lut les lignes tracées par Nora. « Ventnor, île de Wight, le 24 août. Ma bien chère Magdalène, lorsque cette lettre vous parviendra, tâchez de vous persuader que nous sommes séparés depuis hier seulement. Chassez de votre esprit, ainsi que je l'ai fait moi-même, tous les souvenirs d'un passé douloureux. Il m'est strictement interdit de vous agiter, de vous fatiguer par une trop longue lettre. M'est-il permis cependant de vous dire que je suis la plus heureuse femme de ce bas monde? J'aime à le croire, car il me serait bien difficile de garder ce secret pour moi toute seule. Préparez-vous, ma chère enfant, à la plus grande surprise qu'il m'ait jamais été donné de vous causer. Votre sœur est mariée. Il y a aujourd'hui 8 jours, et pas davantage, que j'ai abdiqué le nom de ma famille. Je suis, depuis une semaine, l'heureuse femme de George Bartram de St. Crux. Il y a eu d'abord quelques obstacles à notre mariage. Certains d'entre eux, j'en ai bien peur, venaient de moi. Mon mari, par bonheur, avait deviné dès le début toute la tendresse qu'en réalité j'avais pour lui. Et après que j'eus laissé perdre, par ma faute, une première occasion de lui avouer à quel point je l'aimais, il voulut bien m'offrir une seconde chance dont cette fois j'eus la sagesse de profiter. Ce mariage doit vous intéresser d'autant plus, sœur chérie, que vous en êtes un peu la cause. Si je n'étais pas allé du côté d'Alborough chercher vos traces perdues, si George n'y avait pas été amené à la même époque par des circonstances auxquelles vous étiez mêlé, nous ne nous serions jamais rencontrés, mon mari et moi. Lorsque nous remontons aux premières impressions que nous avons reçues l'un de l'autre, vous êtes inséparables de ces doux souvenirs. J'ai à tenir l'engagement que j'ai pris de ne pas vous fatiguer. Il faut donc, et bien à regret, que j'abrège cette lettre. Patience. Patience. Je vous reverrai bientôt. Nous allons, George et moi, partir pour Londres, d'où nous comptons vous ramener à Ventnor. Notez bien que ceci est une invitation de mon mari aussi bien que de moi. Ne croyez pas, Magdalène, que j'ai voulu l'accepter avant de lui avoir appris à penser de vous ce que j'en pense moi-même, à souhaiter ce que je souhaite, à espérer ce que j'espère. J'aurais beaucoup à vous dire là-dessus et beaucoup à vous parler de George, si je pouvais donner libre carrière à mes pensées et à ma plume. Mais je dois laisser à Miss Garth, sur sa demande très expresse, un blanc à remplir dans la dernière page de cette lettre. Je ne puis donc ajouter un mot avant de vous dire adieu. Ce mot vous préviendra que je vous tiens en réserve, pour notre prochaine rencontre, une surprise de plus. N'essayez pas de deviner ce qu'elle peut être. Votre travail de conjecture pourrait durer des siècles, sans vous mettre beaucoup plus près de la vérité que vous n'y êtes maintenant. Votre sœur bien affectionnée, Nora Bartram. Ajouté par Miss Garth. Ma chère enfant, si jamais j'avais pu perdre le souvenir de la tendresse que je vous ai vouée, je le retrouverai dans mon cœur en apprenant, comme aujourd'hui, qu'il a plu au Seigneur de vous arrêter sur le seuil de la tombe pour vous ramener dans nos bras. J'ajoute ces lignes à la lettre de votre sœur, n'étant pas bien sûr que vous soyez en état, au point où elle le pense, d'accepter son affectueuse proposition. Dans tout ce qu'elle vous dit d'elle ou de son mari, pas un mot à retrancher. Mais vous ne connaissez pas Mr. Bartram, et si vous pensez que votre rétablissement se fasse pour vous d'une manière plus agréable et plus commode sous l'aile de votre ancienne institutrice que sous la protection de votre nouveau beau-frère, venez à moi tout d'abord, et sachez bien que je me charge de faire accepter à Nora cette modification au plan qu'elle a conçu. Je me suis assuré le bail à volonté d'un petit cottage de Shanklin, assez près de votre sœur, pour que vous puissiez vous voir aussi fréquemment que vous voudrez, mais en même temps assez éloigné pour vous assurer, quand vous en aurez besoin, les privilèges de la solitude. Faites-moi passer un mot d'ici à notre prochaine entrevue pour me faire connaître votre acceptation ou votre refus. Et j'écrirai à Shanklin par la poste du même jour. Toujours tendrement à vous, Harriet Garth. La lettre tomba des mains de Magdalene. Des pensées qui jamais ne s'étaient fait jour dans son intelligence l'occupaient maintenant tout entière. Nora, qui n'avait opposé à une infortune imméritée que le courage de la résignation, Nora, qui avait patiemment accepté un lot difficile et qui, du premier jour au dernier, n'avait prémédité aucune vengeance, ne s'était avilie par aucune déception, Nora était arrivée au but que toute l'adresse, toute l'obstination, toute l'audace de sa sœur n'avait pu faire atteindre à celle-ci. Ouvertement, honorablement, en vertu d'un amour réciproque, Nora était devenue la femme de celui à qui étaient échus les capitaux représentant la propriété de Combraven, et c'était l'intrigue même ourdie par Magdalene pour recouvrer cette fortune qui avait amené l'incident devenu la cause première de leur hymen. Avec la première notion de cette étourdissante découverte, les luttes anciennes recommencèrent en elle. Le bien et le mal se la disputèrent encore une fois, mais avec un surcroît de force tant d'un côté que de l'autre, avec ce nouveau souffle qui se mêlait aux aspirations de sa vie renouvelée, avec ces sentiments élevés que lui inspirait sa reconnaissance, toujours croissante, pour l'homme qui l'avait sauvé, ceci militant en faveur de ses bons instincts. Toutes les hautes tendances de sa nature, celle-là même qui ne lui avait jamais permis de faillir impunément, celle qui l'avait torturée avant et après son mariage par des remords que ne saurait éprouver une femme foncièrement mauvaise, foncièrement dépourvue de cœur, tous les éléments nobles de son caractère groupèrent leurs forces pour le combat final et lui firent accepter, sans indigne répugnance, la lumière vengeresse qui éclatait à ses yeux. Descendre de ses passions mortes, de la tombe où ses espérances étaient enfuies, la vérité se dégageait de plus en plus nette, jetant autour d'elle les rayons immortels qui lui ont été providentiellement départis. Lorsqu'elle jeta un nouveau regard sur la lettre, lorsqu'elle relut ces mots d'où il résultait que la victoire de sa sœur et non la sienne leur avait rendu la fortune jadis perdue, elle avait déjà victorieusement foulé aux pieds toutes les mesquines jalousies, tous les vils regrets. Et c'était du fond de son cœur, en toute sincérité, sans réserve aucune, qu'elle prononça ces mots « Nora l'a bien mérité ». La journée s'écoula. Elle demeurait absorbée dans ses pensées, ne songeant plus à la seconde lettre, qu'elle n'avait pas encore ouverte, au moment où Kirk revint de sa longue course. Il s'arrêta sur le palier, et en trouvant la porte, seulement de quelques pouces, demanda, sans entrer, si Magdalene avait besoin de quelque chose qu'il lui pût envoyer. Elle le pria de venir auprès d'elle, et s'étonna, tant son visage exprimait la tristesse et la fatigue, de le trouver plus vieux qu'il ne lui avait jamais paru. « Est-ce vous ? » lui demanda-t-elle, qui avait déposé sur la table cette lettre à mon adresse. « Oui, je l'y ai mise à la prière du docteur. Et il vous aura dit, je pense, que ma sœur l'a écrite. Elle doit venir me voir en compagnie de Miss Garth. Toutes deux vous remercieront mieux que je ne saurais le faire des bontés dont vous m'avez comblé. » « Je n'ai aucun droit à leur remerciement, » répondit-il avec une sorte de sévérité. « Ce que j'ai fait a été pour vous, non pour elle. » Il cessa de parler et la regarda. Par ce regard, il se serait trahi, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix l'aurait trahi mieux encore, si Magdalene n'eût pas déjà deviné la vérité. « Lorsque vos amis viendront, » recommença-t-il, « ce sera, je présume, pour vous emmener dans quelque résidence meilleure que celle-ci. » « Ils ne peuvent en choisir aucune, » répondit-elle avec douceur, « où je trouve des pensées meilleures que celles de l'endroit où j'ai vécu sous votre protection. Ils ne sauraient me placer auprès d'un ami plus cher que celui à qui j'ai dû la vie. » Il se fit entre eux un moment de silence. « Nous avons été très heureux ici, » continua-t-il de plus en plus bas, « puis j'espérais que vous ne m'oublierez pas quand nous nous serons dit adieu. » Elle pâlit au moment où ces paroles franchirent les lèvres de Kirk. Puis, quittant son fauteuil, elle s'agenouilla près de la table de manière à le regarder droit au visage et le contraignit ainsi à la regarder d'eux-mêmes. « De quoi parlez-vous là ? » lui demanda-t-elle. « Nous n'allons pas nous dire adieu, du moins pas encore. »« Je croyais... » commença-t-il. « Eh bien ? » ?»« Je croyais que vos amis allaient venir. » Elle l'interrompit avec une ferveur passionnée. « Croyez-vous donc, lui dit-elle, que je m'en irai d'ici avec qui que ce soit, même avec les plus chers parents que j'ai au monde, et que je vous y laisserai sans m'informer, sans m'inquiéter de l'époque où nous pourrons nous revoir. Oh, vous ne croyez pas cela de moi ! S'écria-t-elle avec des larmes dans les yeux. J'en suis sûr, vous ne croyez pas cela de moi. Non, dit-il, je n'ai jamais eu, je n'aurai jamais, en ce qui vous concerne, une pensée qui vous fasse tort ou qui vous rabaisse à mes yeux. Avant qu'il pût ajouter un seul mot, elle s'éloigna de la table si soudainement qu'elle s'en était rapprochée et retourna s'asseoir dans son fauteuil. Il lui avait répondu sans le savoir, de manière à lui remettre en mémoire la dure nécessité qui restait à subir, la nécessité de lui révéler ce passé ténébreux qu'il ne connaissait pas encore. Quant à le lui dissimuler, elle n'y songea même pas. M'aimera-t-il encore, lorsqu'il saura tout, comme il m'aime maintenant ? Telle était son unique pensée au moment où elle luttait contre la répugnance qui l'avait empêchée jusque-là d'aborder ce sujet devant lui. « Laissons mes sentiments hors de question, lui dit-elle. J'ai une autre raison de ne pas m'éloigner avant d'être assurée que je vous reverrai. Vous avez droit, et le meilleur droit qu'on puisse revendiquer, à savoir comment je suis arrivée ici à l'insu de mes amis et comment il se fait que vous m'ayez trouvée aux prises avec une telle déchéance. » « Je ne revendique aucune espèce de droit, » dit-il précipitamment. « Je ne veux rien savoir de ce qui peut vous coûter à dire. »« Vous avez toujours fait votre devoir, » répliqua-t-elle avec un faible sourire. « Souffrez, si cela se peut, que je suive votre exemple et que j'essaie de faire le mien. »« Je suis assez vieux pour être votre père, » dit-il à son tour, non sans amertume. « L'accomplissement du devoir est plus facile à mon âge qu'il ne l'est au vôtre. » Son âge était pour lui une préoccupation si constante qu'il l'en croyait également préoccupé. Or, il n'y avait jamais pensé. L'allusion qu'il venait d'y faire ne l'écarta pas un moment du sujet qu'elle voulait traiter avec lui. « Vous ne savez pas quel prix j'attache à votre bonne opinion de moi, » reprit-elle avec un effort énergique pour animer son courage défaillant. « Comment me sentir digne de vos bontés ? Comment me croire des droits à votre estime tant que je ne vous aurai pas ouvert mon cœur ? Ne m'encouragez pas en cette malheureuse faiblesse qui me retient. Aidez-moi, au contraire, à vous dire la vérité. Forcez-moi, s'il le faut, à vous la dire, et cela dans mon intérêt, si ce n'est dans le vôtre. » Il fut profondément ému par la fervente sincérité de l'appel qui lui était ainsi fait. « Soit, reprit-il, vous la direz, cette vérité. C'est vous qui avez raison, et c'est moi qui avais tort. » Et il s'arrêta un instant ses paroles prononcées. « Ne vous serait-il pas plus facile, » demanda-t-il ensuite, obéissant à un sentiment de délicatesse, « d'écrire de tels aveux que de les faire de vive voix ?» Elle s'empara aussitôt de cette idée. « Bien plus facile, » répondit-elle. « La plume à la main, je suis sûre de moi, je suis certaine de ne rien vous sceller. Mais vous, en revanche, ne m'écrivez pas, » ajouta-t-elle tout à coup, comprenant avec ce prompt instinct de pénétration qui ne manque jamais à une femme, le danger d'abdiquer absolument l'influence personnelle qu'elle exerçait sur lui. Attendez notre prochaine entrevue, et vous me direz alors, vous me direz vous-même ce que vous pensez de moi. Où vous le dirai-je ? Ici, répondit-elle avec énergie. Ici même où vous m'avez trouvé dans un complet abandon. Ici même où vous m'avez rendu la vie, où j'ai appris à vous connaître. Ce que vous auriez de plus pénible à me dire, je puis le supporter, à condition de l'entendre dans la chambre même où nous sommes. Il est impossible qu'on m'emmène pour plus d'un mois. Un mois suffira, et de reste. Si je reviens... » Elle s'arrêta, un peu troublée. « Mais, reprit-elle, je pense à moi lorsque je devrais ne m'occuper que de vous. Vous avez vos occupations, vos amis. Voulez-vous décider ce qui doit se faire ? Voulez-vous régler notre prochaine rencontre ? Tout se fera selon vos désirs. Si vous revenez dans un mois, vous me trouverez ici. Ne résultera-t-il de cet arrangement aucun sacrifice de vos projets, de votre bien-être ? Il n'en résultera rien, répondit-il, qu'une course du côté de la cité. Il se leva et prit son chapeau. Il faut que je parte tout de suite, ajouta-t-il, si je veux arriver à temps. C'est donc un engagement pris, dit-elle, et elle lui tendit la main. Oui, répondit-il avec un peu de tristesse, c'est un double engagement. Si léger qu'il fût, le nuage de mélancolie qui obscurcissait son visage causa une vive peine à la jeune malade. Oubliant tous ses autres soucis devant celui qu'elle avait à consoler, elle pressa doucement la main qu'il lui avait donnée. « Si ceci ne lui révèle pas la vérité, pensait-elle, il faut désespérer de la lui faire entendre. » La vérité ne lui fut cependant pas révélée, mais ce geste expressif le contraignit à s'adresser une question devant laquelle il avait toujours reculé jusqu'alors. « Est-ce sa reconnaissance ou bien son amour qui me parle ainsi ?» se demandait-il étonné. « Que ne suis-je plus jeune ? J'oserais presque espérer. » Mais cette terrible opération d'arithmétique qui s'était imposée à lui le jour où Magdalène lui avait dit son âge revint l'inquiéter de nouveau dès qu'il fut sorti de la maison. De temps en temps, pendant qu'il se rendait au bureau de ses armateurs, il retranchait 20 de 41 sans que le résultat obtenu pût jamais le satisfaire. Magdalène, quand elle se retrouva seule, approcha de la table pour tracer le mot de réponse que lui avait demandé Miss Garth et accepter avec reconnaissance la proposition qui lui était adressée. Au moment où elle changeait de place, le premier objet sur lequel ses yeux se fixèrent fut la seconde lettre, d'abord mise de côté, puis complètement oubliée. Elle l'ouvrit immédiatement et, ne reconnaissant pas l'écriture, regarda de qui elle était signée. Sa surprise fut grande lorsqu'elle constata que son correspondant inconnu n'était rien moins que le vieux Mr. Clair, le père de Frank. La lettre du philosophe, dépourvue de toutes les formules ordinaires, entamait, sans aucune espèce de préface et dans les termes les moins ménagés, le sujet qu'il s'était proposé de traiter. « J'ai encore des nouvelles à vous donner de ce méprisable roquet que je suis forcé d'appeler mon fils. Les voici en aussi peu de mots que possible. Je vous ai toujours dit, vous le rappelez peut-être, que Frank est un vaurien lâche et sans énergie. C'est dans ce rôle que nous allons le retrouver immédiatement après son évasion de chez les patrons qu'il avait en Chine. Où croyez-vous effectivement qu'il se montre alors pour la première fois ? Derrière deux barils de farine, l'abri desquels il s'était dissimulé, à bord d'un bâtiment anglais frété pour revenir de Hong Kong à Londres. Le navire s'appelait la Délivrance, et il était sous les ordres d'un certain capitaine Kirk. Au lieu d'agir en homme de bon sens et de jeter Frank par-dessus bord, le capitaine Kirk fut assez simple pour prêter l'oreille à ses récits. Vous pensez bien que mon drôle tira de ses malheurs tout le parti possible. Il était à moitié mort de faim, perdu dans un pays étranger, sans un ami pour lui prêter assistance, et ne voyant d'autre moyen de se rapatrier que de se glisser furtivement dans la cale de quelques navires anglais. Il avait pris ce parti à Hong Kong 2 jours auparavant. Telle fut en résumé son histoire. N'importe quel autre vaurien, dans la situation de Frank, eût été rossé à coups de corde par n'importe quel autre capitaine. Mais comme il ne méritait aucune pitié, mon Frank, tout naturellement, fut accueilli le mieux du monde et sans la moindre hésitation. Le capitaine lui tendit la main, l'équipage s'apitoya, les passagers s'intéressèrent à lui. Tous se cotisèrent pour le nourrir, l'habiller, d'effrayer en un mot son retour. « C'est assez de chance comme cela, direz-vous. Pas le moins du monde. Jamais mon méprisable fils n'épuisera les faveurs de la destinée. » Le navire fait escale au cap de Bonne-Espérance. Là, tout aussi simple qu'à l'ordinaire, le capitaine Kirk prit à bord, en qualité de passagère, une femme. Et nullement jeune, tout au contraire. La veuve plus que mûre d'un riche colon. Ai-je besoin de dire qu'elle prit aussitôt le plus vif intérêt à Frank et à ses malheurs ? Ai-je besoin de vous raconter ce qui s'ensuivit ? Revenez sur toute la carrière de mon fils, et vous verrez que ce qui s'ensuivit est parfaitement d'accord avec ce qui avait précédé. Il ne méritait pas l'intérêt que votre père lui témoigna, mais il l'avait obtenu. Il ne méritait pas votre affection, mais il l'avait obtenu. Il ne méritait pas la meilleure place dans une des meilleures maisons de Londres. Il ne méritait pas les chances excellentes que lui offrait son admission dans un des meilleurs établissements de commerce qu'il y ait en Chine. Il ne méritait pas ce passage gratuit, ni d'être nourri, habillé, choyé comme il le fut. Mais il n'en a pas moins obtenu toutes ces choses. Enfin, et ce n'est pas le moins beau, il ne méritait même pas d'épouser une femme assez vieille pour être sa grand-mère. Ils ne l'ont pas moins épousée. Il n'y a pas 5 minutes que j'ai balayé ces cartes de faire-part dans le panier aux ordures et jeté au feu la lettre qui les accompagnait. Le dernier renseignement que m'apporte cette lettre, c'est que Maître Frank et son épouse cherchent une habitation et un domaine qui puissent leur convenir. Or, notez bien, ce que je vais vous dire. Franck aura un des plus beaux domaines d'Angleterre. Un siège à la Chambre des communes sera sans doute l'appendice naturel de cette magnifique propriété. D'où suit que parmi les législateurs de ce pays conduits par des ânes, j'aurai le plaisir de voir figurer mon Bélitre. Si vous avez le bon sens que je vous ai toujours reconnu, il y a longtemps que la véritable valeur de Franck vous a été révélée, et les nouvelles que je vous transmets ne feront que vous confirmer dans le mépris qu'il vous inspire. J'aurais voulu que votre pauvre père eût vécu tout au moins jusqu'à ce jour. Si fréquemment que j'ai regretté les causeries de cet excellent voisin, je ne crois pas avoir jamais déploré sa perte, comme je la déplorais ce matin, lorsque la lettre de Franck et ses cartes de faire-part ont été remises dans mes mains. Votre ami, si jamais il vous en fallait un, Francis Clare, Senior. Sauf un léger trouble, produit par l'apparition du nom de Kirk dans le singulier récit de Mr. Clare, Magdalene lut la lettre sans sourciller d'un bout à l'autre. Le temps était bien loin où cette lettre eût pu lui causer une impression pénible. Les écailles depuis plus d'un jour étaient tombées de ses yeux. Mr. Clare lui-même aurait été content s'il eût pu voir le tranquille mépris qu'exprimait son visage au moment où elle mettait sa lettre de côté. Le seul souci que cette lettre lui donna avait Kirk pour objet. Le ton d'indifférence sur lequel il avait parlé devant elle des passagers embarqués avec lui pendant son dernier voyage, et cela sans nommer aucun d'eux, lui prouvait que Franck avait dû garder le silence sur le mutuel engagement qui, naguère, les liait l'un à l'autre. Il lui restait donc toujours à faire ce pénible aveu des illusions évanouies, comme partie intégrante des révélations qu'elle avait promises et qui n'admettaient aucune réserve. Elle écrivit à Miss Garth et fit immédiatement porter la lettre à la poste. La réplique arriva dès le lendemain matin. Miss Garth avait écrit pour retenir le cottage de Shanklin, et Mr. Merrick avait consenti à ce que Magdalene y fût transférée dès le lendemain. Nora voulait être la première à voir sa sœur, et Miss Garth la suivrait de près, avec une bonne voiture pour conduire la malade jusqu'à la station. Tous les arrangements nécessaires étaient prévus. Magdalene n'aurait très exactement qu'à se laisser emporter. Elle éprouvait, en lisant ce billet, un sentiment de reconnaissance, mais ses pensées prirent bientôt un autre cours et suivirent Kirk, cheminant alors vers la cité. Quelle affaire pouvait l'y appeler de si bonne heure? Et comment se faisait-il que la promesse échangée entre eux pût l'obliger à y retourner deux fois dans la journée? Était-ce par hasard une affaire ayant rapport à son métier? Ses patrons le pressaient-ils de retourner à leur navire?